nuit du réveillon sur Radio 21, toujours en direct et jusqu'à 6h30. 6h30 tout à l'heure, en direct du Fuse à Bruxelles, une nuit du réveillon qui sur 21 est définitivement dance et techno. Où que vous soyez, profitez de la musique du Fuse. Nous vous l'apportons à domicile, à vous d'en faire le meilleur usage. Et puis si vous nous écoutez pour l'instant en voiture, n'oubliez pas, soyez très très très prudents cette nuit. Vous levez le pied, vous ne prenez pas évidemment le volant si vous avez bu. Je vous rappelle dans la foulée le numéro des Responsible Young Drivers. Sur simple appel, quelqu'un arrive chez vous et vous raccompagne au volant de votre voiture, et ce absolument gracieusement, jusqu'à votre porte. C'est le 0800 92 888, 0800 92 888, les Responsible Young Drivers. Profitez de la nuit, profitez de la fête, une nuit et une année qui l'une et l'autre ne font que commencer. C'est Radio 21, nous sommes avec vous en direct jusqu'à 6h30. We'll be right back. Vous êtes toujours sur 21, Radio 21, le réveillon du Nouvel An, jusqu'à 6h30, en direct du Fuse à Bruxelles. Une nuit dance au cœur de la techno et du groove. Nous sommes le 1er janvier, il est 2h31. Depuis une heure, le DJ est Mark Broom. Il vient d'Angleterre et puis à 3h, c'est Carl Craig qui prendra le relais derrière les platines. Carl Craig venu tout spécialement ce soir à Bruxelles, venu de Détroit. Carl Craig, l'un des renouveaux de la techno. Avec Kenny Larkin, entre autres, l'un des papes du nouveau souffle de la techno, Carl Craig, qui sera en direct devant les platines dès 3h du matin. Depuis le Fuse, et grâce à Radio 21, chez vous, en direct absolu, Radio 21 qui vous retransmet cette nuit dance jusqu'à 6h30. Ce 1er janvier 1996. We'll be right back. We'll be right back.